duma palza, no fui se de grome, po puja no taita, no fui se valime, halba nie triki, se mame chare, i stame se skacikti, pierdoloro era teza. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest, rien de nouveau, consacré aujourd'hui à la petite République slovaque. Salut souris. Salut Milky et salut tout le monde. Bah, je dis petite, c'est pas si petit que ça, mais c'est surtout c'est étroit et long, quoi. On va dire que c'était un petit dans le sens affectueux, alors. C'est ça. Tout à fait. Voilà. On aime bien la Slovaquie, alors on dit c'est notre oui. Petite Slovaquie, quoi. C'est ça. D'ailleurs, on va tellement on les aime bien qu'on commence par un groupe qu'on n'a jamais passé. Bam. Voilà, Transition. Écoute. Hein, on va changer un petit peu là. Alors on va commencer du coup avec Začia Topkanca, c'est du streetcore de Topolčani. Alors, je ne suis pas sûre de bien prononcer le nom de la ville, hein. Je m'excuse d'avance. Le titre c'est Revolutia et je pense que bon, on n'a pas besoin de traduire ça, ça va. Hein. Bah, je trouve que ça me semble transparent en tout cas à l'écrit. Écoute, hein, pareil. Ça avec le titre Revolutia. Et on va aller maintenant dans la capitale slovaque, Bratislava, avec le groupe Sansura. Ouais, donc ça, on avait déjà passé. De la petite oi punk bien classique, avec deux titres, Ramon, comme le prénom, hein, je pense, et Chas, qui veut dire temps. Ramon Antonio est soumis, Et voilà pour Censura avec Ramon et Chas. On va rester du côté de Bratislava avec un autre groupe qu'on a déjà passé, c'est Dovina. Ouais, donc bon, c'est un peu un classique du coup, on va dire. Dovina, le titre c'est Like the Thousand Times. C'est de l'anglais, non? C'est pas du slovaque. Bah, t'as remarqué? Ah ouais. Mais ouais, Dovina, je pense que c'est principalement des titres en anglais quand même. Oui, il me Ouais, semble. à moins que je me trompe, mais je pense pas. Hein. C'était Dovina avec Light the Thousand Times. Restons à Bratislava, vu qu'on y est bien, avec Ouais. Munizia. Ouais, Munizia. Alors, une trouvaille qui m'a fait quand même bien rigoler au début parce que la description du groupe, c'est attention, accrochez-vous, de la Oi Crust. Donc... Alors, au début, je me suis dit, mais bordel, mais qu'est-ce que c'est que de la Oi Crust? Donc, bah, j'ai écouté. Alors, personnellement, moi, j'aime bien. C'est un mélange, ça détonne et ça ressort très bien. En tout cas, je trouve qu'ils se démerdent bien. J'ai bien accroché, moi, avec ce groupe. Et les deux titres que j'ai choisis, c'est Agrezia et Munizia. Thank you. Voilà pour la Heucross de Munizia avec Agrezia et le titre éponyme Munizia. On va encore une fois rester à Bratislava, hein, j'ai pas fait exprès. Bah oui, jusque là, de toute façon, on n'aurait plus bougé là, jusqu'à la fin des Ouais. minutes. Hein. Ça y est, c'est Bratislava, on est coincé. Or, heureusement qu'on a mis un peu d'exotisme au tout début. Oui, c'est ça, quoi. Et c'est Zlenzana Colonna. Ouais, alors c'est pareil, j'avoue que je suis pas. Ouais, le Slovaque, je suis pas très à fond. Bon, Železná, j'imagine, Colonna, mais alors ouais, c'est pas. L'accent là, sur le A et le O, j'avoue, je ne sais pas comment il se prononce. Je Ouais. suis ignorante du Slovaque, désolée. Voilà. Du coup, oui, c'est du street punk anarchiste, c'est leur autodescription, hein. Les deux titres, c'est Pre-Sheba, qui veut dire pour moi, et Jeremy Boatir, Eat the Rich. Ça fait toujours du bien, ça passera bien. Bien boire un Dijon par contre après sinon ça reste sur l'estomac. Un petit Maalox, et puis ça va, quoi. Nedostatok C'était Zezlena Colonna avec Precheba et Germain Boatech, plus ou moins. Il manque plus quand même. Moi, je dirais Boatier, mais... Ouais. C'est, à mon avis, tu as raison. Comment dire, vu que je ne suis pas très spécialiste du slovaque. En tout cas, plus que moi, c'est sûr. Bah, visiblement, tu es très dans le crust ces derniers temps. Bah, Est-ce que tu n'aurais pas été faire un tour en Bretagne ou quoi, un truc comme ça Vas-y, dis-le, je suis allé à Rennes voir les punks à chiens, c'est ça? C'est ça? Je sais pas, je me demande, hein, je pose des La bonne questions. vieille image d'Épinal de Rennes, quoi. C'est ça. écoute, moi, franchement, après, comme on parlait juste avant, là, les étiquettes de groupe des bombes, j'avoue que moi, ça me laisse un petit peu dubitative. Mais bon, bref, oui, apparemment, Rossport, donc ça serait du crust. Pour autant, je pense que ça plaira quand même à notre auditorium, à nos auditeurs, auditrices. Allez, Oui. bon, c'est bon, c'est le matin, hein. Voilà, C'est j'en pas suis encore évident. à mon café, soyez sympas les gens. Donc, alors, les deux titres, c'est Moskouka Chtelkou, qui voulait dire, qui veut dire vous regardez trop la télé, et Soundtrack Knassim Jivotom, le soundtrack de nos vies. Že ich napadnú cigáni. Po svete je nebezpečne Slováčik pripostraný. Jebe Moskvu kaštelku. Jebe Moskvu kaštelku. Jebe Moskvu kaštelku. Jebe Moskvu kaštelku. Opakuješ predsudky a znezámeho vždy máš strach. Veríš každej pičovine, čo ukážu v televíznych novinách. Rožkom ťa opije každý blbec v kravate a obleku. Žereš vlastným politikom, asi kúkaš príliš veľa na telku. Jebe moc kúkaš telku. Jebe Moskvu kaštelku. Jebe Moskvu kaštelku. Jebe Moskvu kaštelku. Thank you. Et c'est sur ces notes de crust slovaque que se termine cette émission. Merci Souris pour la préparation et la co-animation. Mais toujours avec autant de plaisir, n'est-ce pas? On se retrouve, merci d'avoir écouté tout ça, et on se retrouve la semaine prochaine. Restez à l'écoute car la voix de la Oi ne s'éteint pas.